Maintenant, écoutez cette sirène de police. Voilà ce que vos oreilles perçoivent si vous êtes à bord de la voiture. Changement de point de vue. Vous êtes maintenant un piéton sur un trottoir, regardant passer les policiers. Vous avez perçu la différence, j'en suis sûr. À bord du camion, qu'il soit à l'arrêt ou qu'il roule, le bruit de la sirène est toujours le même. Mais entendu, du trottoir, il passe de l'aigu au grave. Et pourtant, c'est toujours le même son. L'explication de ce phénomène est purement physique, c'est l'effet Doppler. Au fur et à mesure que le camion de pompiers avance vers vous, la distance que le son doit parcourir pour atteindre vos tympans est de plus en plus courte. Ce qui fait que les pimpons de la sirène vous arrivent avec une fréquence plus rapide et le son devient plus aigu. Idem lorsque la voiture vous dépasse et s'éloigne. Les sons mettent de plus en plus de temps pour parvenir jusqu'à vous. Leur fréquence diminue et c'est pour ça que vous les entendez de plus en plus graves. Après la sirène de police, voici une sirène autrement plus séduisante. Et ces vocalises, je vous le promets, vont vous mystifier. Tout ce que je vous demande, c'est de l'aider un peu. À chaque fois que son chant s'achève, repassez-le en boucle. Vous allez voir, l'effet est saisissant.